عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أشرات الساعة les signes de l'heure, les signes de la fin des temps. On continue avec les petits signes de la fin des temps بإذن الله عز وجل. Pourquoi on parle des signes de la fin des temps? Ici pour pouvoir se préparer ici à cette grande heure qui est ici le jour dernier. Et si on n'en parle pas, comment voulez-vous qu'on se prépare pour rencontrer ce jour terrible qui est le jour dernier, le jour de la résurrection, ayyuhal ahibba, le jour de la fin du monde plutôt. Et donc c'est pour ça qu'on se doit d'en parler pour pouvoir méditer chaque signe. Et ceci doit nous pousser, nous musulmans, musulmanes, croyants et croyantes, à se préparer à la rencontre de ce jour terrible qui sera le jour dernier, bi'idnillah azza wa jal. Et on avait parlé de la semaine dernière d'une mauvaise concurrence et qui concernait les mosquées. On avait dit que l'ornement des mosquées et le fait de s'en vanter, ici ça fera partie ou ça fait partie des signes de la fin des temps, on en a parlé longuement. Ici il y a un signe de la fin des temps qui rejoint un peu ce signe dont on a parlé la semaine dernière. C'est le signe qui est la concurrence dans l'élévation des bâtiments. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Il y aura de la concurrence aussi dans l'élévation ici des bâtiments. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné à titre d'exemple dans le hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a été interrogé par Jibril alayhi salam, ici sur l'heure, il a dit « Walakin sa'uhadithuka an ashratiha ». Ensuite plus loin, il dit « Wa idha tatawala ri'a'u al-baha'im fil bunyan fadhaka min ashratiha ». Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Jibril « Mais cependant, je vais te parler de ces signes ». Quand le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Jibril qu'il ne savait pas quand était l'heure, walakin il lui a rappelé qu'il y avait des signes ici, et le prophète alayhi salatu wassalam en a eu l'information de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, car il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il a parlé de quelques signes et il a dit à Jibril alayhi salam, je vais te parler de ces signes. Et parmi ces signes qu'il a ici mentionné, il dit, et lorsque les gardiens de troupeaux se concurrenceront dans les constructions, voilà l'un de ces signes. Pourtant, ils étaient gardiens de troupeaux. C'était des bergers. Walakin, ces bergers-là vont se concurrencer dans les constructions. Continuez avec moi dans une autre version apportée par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et que tu vois les va-nu-pieds, nus, indigents, gardiens de chèvres, c'est-à-dire des gens ici démunis. C'est des gardiens de chèvres, des gardiens de troupeaux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de biens. Ce n'est pas des personnes riches. Walakin, il viendra une époque où ces gardiens de troupeaux, ils vont se concurrencer dans l'élévation des constructions. Selon une version de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa an abi, celui-ci dit, ô messager d'Allah, et qui sont ces gardiens de chèvres, nus, affamés et pauvres? C'est-à-dire qui? Ils sont nus, pauvres, affamés, mais ils vont se concurrencer dans l'élévation, ici, des constructions. Pourtant, à la base, ils n'avaient rien. Mais ici, quelque part, une façon de parler, du jour au lendemain, les voilà qu'ils se concurrencent dans l'élévation des constructions. Ils ont dit, qui sont-ils ces gens-là? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Al-Arab, les Arabes. Il a dit, les Arabes. Al-Bukhari rapporte, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, La taqoumu sa'a, حتى يتطاول الناس في البنيان. Et là c'est plus général. Ah, là on parle pas que des gardiens de troupeaux, mais les gens de façon générale. الناس, l'heure ne viendra pas. Ah, l'heure ne viendra pas, et ce signe il a déjà existé. Et comme disent les gens de science, il a existé peu de temps après la venue du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim. Il est déjà venu ici, il a déjà apparu il y a très longtemps. Quand ici, il y a eu de plus en plus de conquêtes. Ici, qui ont été positives pour les musulmans. Ils ont gagné plusieurs expéditions, plusieurs guerres, plusieurs azawats, et ils se sont enrichis, et de plus en plus, et au fil des années, les musulmans ont acquéri de plus en plus d'argent, et voilà que les gardiens de troupeaux se sont vus à se concurrencer dans l'élévation des constructions, des demeures, etc. Donc ici, les gens de science le disent, et ça, l'histoire nous le rappelle aussi, que ce qui a causé la perte de pas mal de musulmans, c'est quand ils ont été dépassés par quoi ? Par les biens d'ici-bas, et particulièrement l'argent et les femmes. C'est ça qui a dérouté ou qui a détourné les musulmans, les croyants ici de la vérité. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardal disait une parole favorable bil Ka'ba qui vaut plus que de l'or. Il disait nous étions kunna avillah, on était humiliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a renforcés. Il nous a donné la gloire. Avec quoi? L'islam. Si nous cherchons la gloire, la réussite en dehors de l'islam, certes Allah subhanahu wa ta'ala nous rabaissera, nous humiliera. Donc ici, c'est si on goûte ici à l'humiliation, à la déroute, à la perte, ou alors ici à la défaite, c'est nous qui avons provoqué cela. C'est parce qu'on s'est détourné de quoi? L'islam. On a cherché la gloire, la réussite en dehors de l'islam. Et ça applique-le dans n'importe quelle situation. فَوَرَبِّ الْكَعْبَ, tu veux les biens d'ici-bas et de l'au-delà? Cherche les biens d'ici-bas et de l'au-delà dans l'islam. Si tu veux le bonheur, cherche le bonheur dans l'islam. Si tu veux la réussite, cherche la réussite dans l'islam. Si tu cherches la réussite en dehors de l'islam, فَوَرَبِّ الْكَعْبَ, tu ne goûteras ni à la réussite ici-bas et ni dans l'au-delà. Si tu cherches ici à acquérir simplement des biens d'ici-bas, sans placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, sans le chercher à travers ce que Allah Azza wa Jal agrée et aime, wallahi, tu goûteras à la pauvreté ici-bas et dans l'au-delà. Même si tu as certaines richesses entre les mains, ça ne sera que éphémérité, et même si ça dure jusque tes derniers jours, ça sera une source de malheur et de soucis et de tristesse pour toi. Pourquoi? Il n'y aura pas ce qu'on appelle al-baraka, la bénédiction. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout croyant et croyante doit chercher ici le bonheur, la réussite, l'argent, la notoriété, la gloire à travers quoi? La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la religion, à travers l'islam. Quand ils se sont détournés de l'islam et qu'ils ont été dépassés par les biens d'ici-bas et particulièrement l'argent, voilà que non seulement ils ont commencé à se détourner de la religion, mais ils se sont concurrencés. On reparle de concurrence. Concurrencés, wal'iyadu billah, dans quoi? Dans des choses éphémères. Même si à la base, ce n'est pas haram. Comme je disais la dernière fois, on peut par exemple voir une personne acheter une voiture halal avec de l'argent licite. Et toi, tu te dis, moi je vais avoir une plus belle voiture. En soi-même, la voiture que tu as achetée avec de l'argent licite. Et l'autre personne l'a achetée avec de l'argent licite. Mais ici, le moins qu'on puisse dire, c'est une concurrence détestable. Parce que là, tu te concurrences dans une chose où il n'y a pas lieu de se concurrencer dans cette chose. Et ça va t'apporter quoi, billahi alayk? Ça va t'apporter quoi? Une perte de temps et un détournement obligatoire ici de la religion, wal'iyadu billah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, la signification de la concurrence dans l'élévation des constructions, et que chacun qui construise une demeure désire que sa hauteur soit plus grande que celle de l'autre. Ah, il a construit une maison, moi je veux que ma maison soit encore plus grande. Ou dit plus belle, ou dit plus vaste, ou dit plus chère, ou dit. C'est le même sens. C'est-à-dire, quand tu vas voir une personne, il va voir une personne avoir une belle maison, il voudra avoir une plus belle maison. Une grande maison, haute maison, une plus haute maison. Et il dit, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, cela peut aussi signifier la concurrence au niveau... Ah, c'est pas que simplement de la hauteur. Au niveau du décor et de l'ornement, ou plus général que cela. Ah, vous avez vu pourquoi je dis ça reste dans le même sens. Ou encore plus général que ça. Plusieurs choses de cela ont été vécues et cela ne fait... C'est à l'époque d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Il dit, et cela ne fait qu'augmenter. Qu'aurait-il dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, si nous aurait vu Ibn Hajar? Ici, ce n'est pas à l'époque du prophète Aïssam qu'il a vécu. Voilà qu'il nous disait que Ibn Hajar. Ici, par rapport à notre époque, il y a une différence claire. Chaque année, de toute façon, on voit que les choses changent et les choses évoluent, malheureusement, souvent dans le mal. Donc, qu'est-ce qu'aurait dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, s'il aurait vécu, ou s'il avait vécu plutôt ici à notre époque? À son époque, il disait, et cela ne fait que augmenter. C'est-à-dire, le fait de voir des gens, des croyants musulmans et musulmanes, des gens de façon générale aussi, al-insan, se concurrencer dans l'élévation des constructions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les premiers hadiths qu'on a cités, c'était qui? c'était des gens qui à la base ils avaient rien. La preuve que quoi? Ici, l'argent c'est une épreuve. Les biens c'est une épreuve. Être dans le bonheur c'est une épreuve. Et Allah Azza wa Jal, il éprouve ses serviteurs même en leur donnant des biens, al-mal, en leur donnant de l'argent, en leur donnant de la famille, en leur donnant des parents, en leur donnant des enfants, est-ce que tout ceci, tous ces bienfaits vont te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ici, c'était des gens pauvres, démunis. Allah leur a donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concurrencés dans l'élévation des constructions. Et après, le prophète, il dit de façon générale, les gens vont se concurrencer dans l'élévation des constructions. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, ça concerne la hauteur, mais aussi l'ornement, mais aussi le décor. Et il dit, c'est encore plus général que ça. Souvenez de l'exemple que je vous avais donné, hein, quand certaines personnes, ils rencontrent leur frère, salam alaykoum, à peine il lui dit alaykoum salam, le frère, l'autre, il enchaîne déjà. Ah, j'ai vu, t'as acheté une nouvelle voiture. Ah, pourtant, j'ai entendu, t'as voyagé, hein. Ah, on croirait un inspecteur. Est-ce que cette personne, billahi alaykoum, il est encadré par ces ahadiths? D'après la compréhension d'Ibn Hajar, na'am, c'est pareil. Pourquoi? C'est une concurrence ici dans le batil. Dans ici des choses qui n'ont pas lieu de se concurrencer. Et alors, s'il a acheté une voiture et tout de suite tu parles avec ses paroles alors que tu l'as pas vu depuis des mois, c'est que quelque part tu le jalouses, donc tu veux te concurrencer. Donc, tu aimerais avoir comme lui ou meilleur que lui. Et subhanallah, on croirait que ici c'était une chose demandée dans la religion. Où ça allait t'apporter quoi de savoir ici qu'un tel a acheté une belle voiture, ou a acheté une belle maison, ou a acheté, si ce n'est que ça va te faire tomber dans ce qui est détesté par Allah Azza wa Jal. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. ولما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام قال يكره لكم قيل وقال لي on dit, ça va te faire tomber automatiquement dans ça. Un tel il a acheté, un tel il a vendu, un tel il a voyagé, un tel il est rentré, un tel أم يحسدون الناس. Est-ce qu'Allah عز وجل il a dit ces paroles ou pas? بالله عليكم نعم. Est-ce qu'ils envient ou envient-ils les gens pour ce que Allah عز وجل ou ce dont Allah subhanahu wa ta'ala ou envers ce dont Allah عز وجل leur a octroyé comme bienfait? Allah leur a donné des bienfaits mais les gens les envient. Allah عز وجل dit, est-ce que cela envie les gens pour les bienfaits que je leur ai donnés? Ça c'est comme tu disais ou comme si tu disais ici, comme disent les gens de science, ya Allah tu es injuste. Tu as donné à Fulan et moi tu m'as pas donné. C'est pareil. C'est ya Allah, pourquoi lui tu lui as donné ça et moi tu m'as pas donné? Donc c'est comme si tu disais, Arabe, t'es injuste. Subhanallah, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, Allah Azza wa Jal, il a envoyé un ange, Malak, qui a écrit son rizq. Son rizq et ton rizq, il était écrit à Abdullah alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Donc pourquoi ici tu cherches à avoir des choses qui ne te seront pas destinées? Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Délaisse ce qu'ont les gens. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Utilise des voies licites pour avoir ton rizq. Et Inch'Allah ta'ala, ce qui t'a été destiné, prédestiné, tu l'auras bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ne t'inquiète pas. Allah Azza wa Jal, il donne la subsistance à qui? À celui qui déteste sa religion, à celui qui déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Aux non-musulmans, il lui donne sa subsistance, il lui donne sa boisson, il le laisse respirer, il lui permet de vivre, il lui permet même d'être joyeux. Et même avec cela, Allah, il le protège. Est-ce que toi qui adores Allah sans rien lui associer, est-ce que tu crois qu'Allah va t'abandonner? Ça c'est un manque de tawakkul, ça c'est un manque de yaqeen, ça c'est une ingratitude envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et beaucoup de gens prouvent cette ingratitude à travers leurs paroles en disant, oui mais un tel a acheté, oui mais un tel, c'est tes affaires. Comme on a fait un sermon avec le titre, et le titre veut tout dire. Je dirais pas, ça sert à rien d'écouter le sermon, mais si tu médites le titre, ça te suffit. Bi'idnillahi azza wa jal, mêle-toi de tes affaires, c'est pas tes affaires. Est-ce que ici ça, tu rendras des comptes sur Fulen qui a acheté une maison dans ta tombe? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit quand tu es dans ta tombe, Munkar et Narki, ils vont venir et vont te dire quel est ton Seigneur? Qu'est-ce que tu dis de cet homme qui a été envoyé? Quelle est ta religion? Et quelle voiture il a acheté, Mohamed? Ou quelle maison il a acheté? Et pourquoi Mohamed il a voyagé avec cet argent? D'où il a eu cet argent pour aller au pèlerinage? Et là, d'où il a... Les Munkar et Narki ici vont te poser ces questions. T'as lu quel hadith pour trouver ces réponses là? Ou alors ces paroles que tu sors de jour comme de nuit, wal'iyadu billah? Pure jalousie. Mêle-toi de tes affaires. Et ça, quelque part, tu es encadré par ces ahadiths, wa l'iyadu billah, et nous disons encore, quelque part, tu fais partie des signes de la fin des temps. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ici, les gens vont se concurrencer dans quoi? Dans les choses de dunya. Alors que, ici, quand on revient vers as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, est-ce qu'on a déjà entendu ce type de concurrence, ici, qui sont futiles? Des concurrences, wallah, et de gamins, des paroles d'enfants, des paroles de jaloux, des paroles d'égoïste, ou alors on va dire, j'ose même pas sortir des mots, hein, il faut pas que je m'emporte, parce que quand je m'emporte, moi j'ai envie de, hein, wallah al-adim, dis ce que tu veux tant que tu restes poli. Wallah, qu'une des paroles, fawarab bil-ka'ba, qui ne sont pas dignes d'un musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Ou est-ce que les compagnons ont réagi comme, écoute avec moi. Par exemple, Abu Bakr radiyallahu anhu arda, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu anhu arda, comment ils ont réagi dans la concurrence? À titre d'exemple, des hadiths qui sont connus par tous et toutes. Voilà que Aisha radiyallahu anhu arda, comme elle a dit dans le Sahih, regardez comment elle réagissait quand elle a entendu le mérite qu'avait al-Shuhada, les martyrs. Et quand elle voyait les compagnons radiyallahu anhu ardahum aller ici risquer leur vie et aller combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'elle est partie se cacher chez elle en disant alhamdoulilah moi je suis une femme? Ou est-ce qu'elle est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam? Il y a plusieurs versets ou plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Ou elle a dit ya Rasulallah, elle dit nous avons vu ici la récompense qu'ont les martyrs, ceux qui partent au combat avec toi. Et nous, Aïcha elle a dit, et nous aussi on veut ça. Nous aussi on veut cette récompense. Nous aussi on veut partir combattre avec eux. Aïcha radiyallahu anhu arda, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Et regardez, ça c'est une femme. Mais fawarabbil ka'ba, elle a réagi d'une meilleure façon que beaucoup de personnes qui se prétendent être des hommes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans une des versions authentiques, il lui a dit, ici, le meilleur des djihad est un hajj mabrour. أفضل الجهاد الحج المبرور. C'est un pèlerinage pieusement accompli, accepté. Les ulama, ils ont divergé. C'est quoi الحج المبرور? Le hajj accepté. قول الراجح, c'est le hajj qui est conforme à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. C'est-à-dire, tu n'as pas fait d'innovation, tu l'as fait conformément à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, bien sûr avec intention sincère. Et ici, tu t'es écarté de tout grand péché et de toute perversité pendant ce pèlerinage. Donc ici, il dit, ça, c'est le meilleur des djihad. قول الراجح من أهل العلم, la parole prépondérante des gens de science, d'après les autres ahadith qui vont dans ce sens, et dans le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, quand il dit, ici, le djihad de la femme et de la personne âgée, il dit, c'est quoi? C'est le hajj et la umrah dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc ici, en utilisant tous les hadiths, les savants, ils ont dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit le meilleur des djihad, c'est le hajj pieusement accompli, il dit, ça c'est khas lin nisa. Ça c'est particulier pour les femmes. Donc ici, le prophète alayhi salam a répondu en disant, Aïcha radiyallahu anha warda, vous les femmes, il vous suffit de faire le pèlerinage. Mais est-ce que ici, elle a dit, oh, il y a des femmes, regarde, ils ont une plus grande maison que nous, et regarde, ya Rasulallah, nous on vit, regarde, la chambre, elle est petite, et la terre par terre, et ça me dérange, et toi t'es le prophète, quand même, attends, on a droit, hein, c'est... Ou est-ce qu'elle a dit, ya Rasulallah, nous on veut risquer notre vie, nous on veut mourir, nous aussi. Nous on veut aller au combat, nous, comme les compagnons, avec toi, ya Rasulallah. Regardez ici. Et il faut mettre la barre haute, ayu al-ahib, pour pouvoir avancer. Ah, mais si toujours tes exemples, c'est Qaddoura qui est ta voisine et qui avance pas dans la religion, bah regarde Qaddoura, regarde qu'est-ce qu'elle fait, bah moi, attends, il faut pas exagérer. Ou alors Mohamed, là, tu vas regarder Abdallah qui ici, il est encore loin de la religion, bah regarde-moi par rapport à Abdallah. Le prophète alayhi sallam, il t'ordonne de regarder qui? Ceux qui sont au-dessus de toi dans la religion, dans les choses religieuses. Et pas ceux qui sont en dessous de toi. Et dans les choses mondaines, lors des épreuves, on dhuru ila man huwa, ah, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, qui ont plus d'argent que vous, plus de demeures, plus de voitures, plus de véhicules, plus d'appartements. Non, là c'est un juste milieu, ayyuhal ahibba. Nous maintenant on a inversé les balances. Maintenant dans les choses religieuses, on regarde les pires d'entre nous pour se réconforter. C'est le prophète qui te l'a dit ou c'est ton nefs qui te l'a dit? Ou alors c'est Iblis qui te l'a insufflé? Ça en tout cas c'est pas le prophète qui l'a dit. Le prophète il a dit à l'axe, l'inverse. Et concernant ici les choses religieuses ici, on regarde ceux qui sont en dessous de nous. Et les choses mondaines, on regarde ceux qui sont au-dessus de nous. Ah mais regarde, eux, ils ont une meilleure situation. Alors que c'est l'inverse, ayu al-ahibba. Dans les choses religieuses, regarde ceux qui sont meilleurs que toi. Et les meilleurs, c'est qui? Parmi les meilleurs, c'est sahaba radiyallahu anhu wa arda. Mais à leur tête, al-anbiya et wal-rusul. Et à la tête de l'anbiya et wal-rusul, ulul azm, al-khams. Nuhan wa Ibrahim wa Moussa wa Isa wa Muhammada. Et parmi les cinq ici, Allah il a élu deux. C'est qui? Ibrahim ou Muhammad. Et parmi les deux, Allah Azza wa Jal istafa Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a élu Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ba'd al-anbiya wa al-rusul, c'est le sahaba. C'est qui les compagnons? Et sahabiyat. Et c'est les femmes des compagnons radiyallahu anhun. Aussi qui font partie des meilleures des femmes. les femmes des compagnons. Donc c'est eux tes exemples. Mets la barre haute. Et quand tu vas vivre avec eux, en lisant leur biographie, en lisant leurs histoires, en lisant de jour comme de nuit des hadiths et la vie des compagnons, et la vie des femmes compagnons, wallahi al-adim, tu vas être dans un certain monde, dans un monde qui va te faire rêver et qui va te pousser à avancer, bi'idnillah azza wa jal, vers le positif. Mais quand tu as délaissé, ah, eux ils sont morts, ils sont décédés. Eux, ils sont décédés. Voilà qui nous ont laissé, alhamdoulilah, par la permission d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a décrété, et il a voulu qu'il y a quoi? Leurs histoires qui restent. Leurs récits qui restent. Les hadiths, cette science, ayyuhal ahibba, qui est une révélation qui reste, qui nous raconte comment était Abu Bakr, comment était Aïcha, comment était Saouda, comment étaient ces femmes, comment étaient ces hommes. Pourquoi tu les mets dans ces livres-là, dans des placards? Non, pour que tu vives avec. Et que ça te motive. Et tu dis, wallah, je veux la prendre comme exemple. Et on a dit que cet amour, ayyuhal ahibba, lors de dernier sermon, c'est un amour qui se travaille. Tu ne vas pas dire du jour au lendemain à une personne qui n'a jamais lu la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'entend que très rarement ici parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est loin de l'islam, il a 25 ans, est-ce que t'aimes le prophète? Bah, un peu, mais je le... A'udou billah, t'es un égaré, donc t'aimes pas le prophète, tu iras en enfer. Non, on lui dit, écoute, ici, tant que ton âme n'est pas arrivée entre les deux clavicules, il n'est pas trop tard. Travaille cet amour. Aujourd'hui, c'est normal que tu ne l'aimes pas comme il se doit, parce que tu parles pas de lui, tu ne le connais pas. Mais c'est un amour qui se travaille. Donc on ne doit pas baisser les bras et dire, ouais, j'ai peur, je n'aime pas trop le prophète, honnêtement, et j'aime pas le prophète plus que mes parents, pour... et chacun se fait peur. Non. Et ben là, c'est l'occasion. Fais travailler cet amour. Est-ce que tu aimes Abu Bakr? Est-ce que tu aimes les compagnons? Je ne les connais pas trop. Apprends à les connaître. Wallahi bi'idnillah azza wa jalla, tu les aimeras. Tu les aimeras. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, il rapporte, comme il est relaté dans le Bukhari, que le fait d'aimer à certaines personnes, ça fait partie de la foi. C'est qui? Hubbu al-ansar. Regarde, aimer l'ansar, min al-iman, ça fait partie de la foi, subhanallah. La preuve que c'est des gens qu'on doit aimer. As-sahaba radiyallahu anhu wa ardam ayyul ahibba. C'est pas simplement, oui, c'est bien de connaître, tu dois, ça fait partie de la foi. Et c'est ce qui va augmenter donc ta foi. Et c'est vrai ou pas? Quand on lit l'histoire des compagnons, notre foi augmente? Elle augmente. Quand on lit la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, notre foi augmente ou pas? Elle augmente. Donc si tu veux voir ta foi augmenter, apprends à connaître le prophète, apprends à connaître les compagnons, apprends à connaître les femmes des compagnons et les femmes qui ont marqué l'histoire, comme Maryam alayhi salam, et le reste des femmes qui ont marqué l'histoire citées dans le Coran ou la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim. Ça, c'est l'islam, et c'est comme ça qu'on avancera. Bi'idni rabbil ardi wa samawat. Donc, ici, nous disons, ayol ahibba, eux, c'est les références. Aïcha, regardez, comment elle se concurrençait. Pourtant, le mode de vie, le confort, à l'époque de Aïcha, est-ce que vous pensez qu'il est comme aujourd'hui? Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Même, essayez d'imaginer, de comparer, je sais même pas si c'est possible. C'est pas possible. C'est quasiment impossible, on va dire. Et quand tu vois ici, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comment il réagissait avec Abu Bakr? Et ici, on pourra en sortir plein des hadiths. Mais à titre d'exemple, les hadiths qui sont très connus. Vous connaissez le hadith où Omar ibn al-Khattab, wa huwa man huwa, wa ma adraka ma Omar. Et ici, Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Et qui est Abu Bakr? Et qui te dira qui est Abu Bakr radiyallahu anhu arda? Ceux qui ont marqué l'histoire, ayyuhal ahibba, la meilleure des créatures, ayyuhal ahibba, après les prophètes et les envoyés, c'est qui? Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Et Allah azza wa jalla a voulu qu'après Abu Bakr qui prenne le khilafa, Omar, et ensuite Uthman, et ensuite Ali, radiyallahu anhum, ici ces grands compagnons qui ont marqué l'histoire. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu arda, il n'avait pas encore pris al-khilafa, ici il visitait toujours une vieille femme, une vieille dame très âgée, modestie, man tawada'a lillahi rafa'a, comme a dit Sahih Muslim. Et il allait la visiter et il nettoyait sa maison et il allait traire ses chèvres et il l'aidait et il était à son service. Et quand il a pris le khilafa, amir al-mu'minin, l'appellation qui a été donnée à Omar ibn al-Khattab, mais il était représentant, responsable des croyants. Qu'est-ce qu'il a fait à Abu Bakr? Il a dit, bon, maintenant moi j'ai cette haute responsabilité. Et de toute façon, ça aurait été tout à fait compréhensible. Le fait qu'il dise, je dois me décharger de certaines fonctions. Et parmi ces fonctions-là, déjà je fais assez de bien, parce qu'il travaille pour toute la communauté. Je vais arrêter de visiter cette vieille femme, et je vais arrêter de m'occuper de sa demeure, de laver et nettoyer sa demeure, d'entretenir sa demeure, et d'aller traire ses chèvres. Il aurait pu le dire. Omar ibn al-Khattab, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est bon. Là, maintenant, je vais pouvoir prendre la place de Abu Bakr, au moins dans une des fonctions qu'il avait prises pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti se rendre chez cette vieille femme. Il lui a dit, je suis à ton service. Elle a dit, non, barakallahu, fais que ça suffit. Comment ça? C'est bon, khlas, il y a déjà une personne qui me rend ce service-là. Omar ibn al-Khattab, il est parti espionner. Il s'est dit, il faut que je sache c'est qui cette personne-là qui fait ce bien envers cette femme-là. Il a vu, c'était qui? Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Il a dit, là, je sais que je pourrais jamais devancer Abu Bakr. Ça, c'est quoi, ça, Ayyuhal Ahibba? Ça, c'est quoi, Ayyuhal Ahibba? C'est la modestie, c'est l'amour sincère, c'est la sincérité, c'est la véracité dans leur pratique religieuse. Et quand tu entends ça, comment tu veux pas aimer Abu Bakr? Comment tu veux pas aimer Omar? Comment ça ne te pousse pas à vouloir te concurrencer dans le bien? Mais si tu n'entends jamais ces paroles, et tu entends que un tel a acheté une voiture, un tel a acheté une nouvelle maison, un tel a acheté une nouvelle tapisserie, un tel a acheté... Comment ta foi va augmenter? Et c'est pour ça que Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala wa huwa man huwa, qu'est-ce qu'il disait, ayyuhal ahibba? Il disait, fa wa rabbi al-ka'ba, il disait, je préfère et j'aime rencontrer mes frères que rester avec ma famille. Pourquoi? Je suis mieux avec mes frères qu'avec ma famille. Ce n'est pas ici qu'il manquait à ses engagements, ses responsabilités envers sa famille. Abadan, mais pourquoi? Les gens vont dire, oh, regardez quel mauvais comportement. Mais regarde, ceux qui ont divorcé, fa wa rabbi al-ka'ba, plus que trois fois avec cette vie d'ici-bas. Il disait, parce que quand je suis avec mes frères, ah, mais c'est pas n'importe quel frère qui parle que de dunya ou qui joue à la PlayStation ou je ne sais quoi encore. Non, des frères pieux, vertueux. Ah, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, comme a dit alayhi salatu wassalam. Ne côtoie qu'un croyant et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Ça, c'est des gens, ayyuhal ahibba, qui sont pieux, vertueux, qui craignent Allah azza wa jal, qui vont t'aider bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'entraides dans le bien, voilà, ces gens-là, Hassan al-Basri, il disait, je préfère être avec mes frères, car eux me font rappeler l'au-delà al-akhirah. Car quand il se rencontrait avec ses frères, il parlait toujours de l'au-delà. Qal Allah, qal al-Rasul, une bonne ambiance. Et il dit, quand je suis avec ma famille, ah, je ne suis pas dans la même ambiance. Pourquoi? Parce que ça, c'est des responsabilités, ayyuhal ahibba, qui sont quelque part un acte d'adoration, bien sûr. Le fait de les servir, comme nous à notre époque, le fait de faire les courses, le fait ici d'aller faire des papiers administratifs, etc. Donc, on sait tous et toutes que ça nous baigne plus dans dunya que quand tu es simplement dans un cercle d'évocation ou d'invocation avec des frères, avec des musulmans, avec des croyants, etc. Et pareil pour les sœurs. Normalement, ça doit être pareil pour les sœurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent normalement réagir de la même façon que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sinon il y a un problème. Parce que si tu te retrouves avec des sœurs et tu ne te rappelles pas de l'akhirah, et on sait très bien que c'est pas chez toi où ça va être plus difficile chez toi encore de te rappeler de l'akhirah, billahi alayki, quand tu vas te souvenir de l'akhirah? Quand tu vas te souvenir de l'akhirah? Ça, c'est des gens pieux, Hassan al-Basri. Et c'est tout à fait normal qu'ils disent que ici, il ne se rappelle pas de l'akhirah quand il est chez lui que quand il est avec les frères. C'est normal, on a tous des responsabilités. Que dire de l'oum? Que dire de hadhil mar'a, cette femme-là, qui a beaucoup de responsabilités, qui est responsable de son foyer? C'est-à-dire qu'elle s'occupe de quoi? De ses enfants, elle change les couches des enfants, l'entretien des enfants, elle nourrit les enfants, le ménage, la nourriture. Elle a beaucoup, c'est normal. Et c'est honorable et elle en aura la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais est-ce qu'elle est coupée quelque part où ça la pousse à penser moins à l'akhira? Naam. Donc si quand elle se retrouve avec des sœurs, elle ne pense pas à l'akhira, comment voulez-vous que sa foi augmente? Comment voulez-vous que cette femme-là ne se plaigne pas quelques mois après en pleurant, en disant « Je ne sens plus mon iman, ma foi, je la sens plus, je sais plus où je suis, j'arrive même plus à adorer Allah comme il se doit. » Regarde qui tu fréquentes. « Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. » C'est aussi simple que ça et c'est clair. Et c'est logique, ayyuhal ahibba, et cette logique est fondée sur une bonne compréhension tirée du Coran et de la sunna bi fahmi salafil ummah. Donc ici nous disons, ayyuhal ahibba, on doit se concurrencer dans le bien, comme on fait Abu Bakr, comme on fait Omar, comme on fait Uthman, comme on fait Ali, comme a fait Aisha radiyallahu anha wa ardaha, comme on a cité le hadith authentique, ayyuhal ahibba, comme a fait Omar ibn al-Khattab avec Abu Bakr. Quand le prophète alayhi salatu wasalam avait besoin ici d'armer les croyants, ici il avait besoin d'argent, il a dit, qui donne quelque chose? Donnez ce que vous pouvez donner pour la cause d'Allah, fi sabilillah. Voilà que Omar ibn al-Khattab a dit, bon maintenant, khlas, je vais me lancer. La moitié de mes biens, je les donne fi sabillah. Imagine-toi, ton compte en banque, tous les biens, et si tu as beaucoup d'argent, t'as 100 000 euros dans ton 50 000 euros fi sabillah. Il dit, qu'est-ce que t'as laissé pour ta famille? Il a dit la moitié. Abu Bakr radiallahu anhu arda, il est arrivé, il a donné des biens. Il a dit, qu'est-ce que t'as laissé pour ta famille à Abu Bakr? Il a dit quoi? Allah et son messager. Il a tout donné à Abu Bakr radiallahu anhu arda. Omar ibn al-Khattab, à travers ses actions, il savait qu'il pourrait pas devancer Abu Bakr. Et pourtant, Omar, c'est qui Omar radiallahu anhu arda? Le prophète alayhi salam, il a dit, quand Shaitan te croise dans un chemin, il change de chemin. C'était qui Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda? C'était parmi les meilleurs des compagnons qui a marqué l'histoire. Et on aime tous entendre parler de Omar ibn al-Khattab. Avec ça, regardez, ils se sont concurrencés dans le bien jusqu'à ce que quoi? Abu Bakr devançait Omar. Et ça, ça les motivait. Ils se motivaient et ils s'enjoignaient mutuellement le bien, la patience Et c'est ça le vrai amour en Allah Azza wa Jal. La vérité l'a guidé. Mais si tu restes dans une ambiance où t'entends jamais parler d'Allah, du prophète, des compagnons, des frères qui te rappellent Allah, oh Allah, tu vas te noyer facilement dans le dunya. Et on le sait tous et toutes. Oublier la religion, c'est très facile. Mais pour ici faire travailler sa foi, c'est très dur. Détruire, c'est plus facile que construire. Tu sors de la mosquée, tu regardes à droite, à gauche, deux affiches, dunya, les factures, les responsabilités, les soucis, le travail, ça part facilement. Mais pour faire monter la foi, c'est plus dur. Il faut venir, il faut s'asseoir. Je reste le maghrib ou l'isha, Shaitan commence à jouer avec toi. Bon, ouais, j'ai quelque chose à faire, ouais, le cours, ouais, peut-être il y a l'enregistrement, ouais, après, ouais, tant pis pour toi. On n'a rien sans rien, Abdallah. Va pas pleurer après. On n'a rien sans rien. Donc ici, ça demande des efforts. Il faut s'asseoir. Il faut écouter. Voilà que les fruits sont plus que sucrés. Tandis que l'autre personne, il récolte des fruits. Mais comme je dis souvent, des fruits plus qu'amers. Voilà qu'il n'en a rien sans rien. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il le rappelle dans plusieurs versets coraniques que quoi? On récoltera que le fruit de nos efforts. On n'a rien sans rien. Donc on se doit de se concurrencer dans le bien. Et ça, c'est pour parler encore de la mauvaise concurrence malheureusement. Parmi les signes de la fin des temps, il y a l'esclave engendre sa maîtresse. Ça fait partie de quoi? Asharat al-sa'a. L'esclave engendre sa maîtresse. On va expliquer ici bi'idnillah azza wa jal. Avant cela, ici, je vais citer quelques hadiths et on va expliquer bi'idnillah. Rapporté par al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Ici, dans le long hadith de Jibril alayhi salam, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et ici, cependant, je vais t'informer de ces signes. Donc, on est toujours dans les signes. Et il dit, lorsque l'esclave, ici, engendrera sa maîtresse. Dans un autre hadith ici, rapporté par Muslim, il dit, lorsque l'esclave engendrera son maître. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il donne plusieurs explications. Pour bien comprendre, et on va dire qawlur rajih min ahli l'ilm, la parole prépondérante des gens de science. Il dit parmi les explications qui ont été apportées, il dit à l'explication de Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, il dit, cela signifie l'expansion de l'islam et la conquête des pays polythéistes, ainsi que l'asservissement de leurs enfants. Puis lorsque l'homme possède une esclave et qu'elle lui donne un enfant, cet enfant sera par rapport à elle, au même rang que son maître, car il est l'enfant du maître de celle-ci. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, il dit, lorsque l'homme possède une esclave et qu'elle lui donne un enfant, donc l'homme, il aura des esclaves, cet esclave va lui donner un enfant, mais cet enfant, ça sera l'enfant de qui? De l'esclave, mais l'esclave reste toujours l'esclave du maître. Mais l'enfant, c'est l'enfant du maître. Donc ici, il dit, car il est l'enfant où cet enfant sera par rapport à elle au même rang que son maître. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant du maître. Mais elle, c'est elle qui lui a donné cet enfant, mais ça reste son esclave. Donc ici, l'enfant, écoutez bien, l'enfant sera au-dessus de sa propre mère. C'est comme s'il sera au même degré ou au même rang que qui? Au même rang que le maître, le propriétaire, qui a cet esclave qui est sa propre mère. Donc la mère, c'est l'esclave, et l'enfant, il est au même rang. Donc quelque part, c'est un peu l'esclave de... C'est un peu son esclave. Qui? On parle de qui? De la mère. D'accord? La mère, c'est un peu l'esclave du fils. Donc il dit, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Parmi les explications qui ont été données, d'accord? Ibn Hajar, il dit, cependant, que cela soit son sens exact est discutable. Car avoir des enfants avec des esclaves existait déjà au moment où la parole a été dite. Donc vous voyez? Donc il dit ici, si le prophète Aïssa me dit ça fait partie des signes de la fin des temps, ici, si ça concernait ça, c'est ambigu. Pourquoi? Parce que ça existait déjà quand le prophète avait dit ça. Il y avait déjà des esclaves. D'accord? Et il dit de même, la conquête des pays polythéistes, l'asservissement de leurs enfants et leur capture se sont produits davantage au début de l'islam. Vous voyez ou pas? Ici, est-ce que ce qui a été expliqué ici, ça concerne plus l'époque, d'accord, du prophète alayhi salatu wassalam et les époques qui ont suivi, ou alors notre époque, nous? C'est plus à leur époque. Donc, ça montre qu'on se rapproche moins alors des signes de la fin des temps. C'est pas quelque chose qui qui existe à notre époque, mais plutôt ça existait et c'est passé. Donc il dit, d'après ces choses-là, nous disons que c'est un avis discutable et nous restons sur la position d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Donc il faut savoir cette explication, mais on met de côté cette explication. Parmi les explications qui ont été données, les maîtres vendent les mères de leurs enfants. Les maîtres vendent les mères de leurs enfants. D'accord ? C'est-à-dire, le maître, il a eu une esclave, il a eu un enfant avec cette esclave-là, mais ici, il garde l'enfant et il vend ses esclaves. Donc, les mères, il les vend. Les esclaves, il la garde, il la libère ou il la vend. On est d'accord ? Les maîtres vendent les mères de leurs enfants, cela deviendra fréquent, puis ces femmes esclaves qui ont été vendues, revendues, qui ont eu un enfant, passeront d'un maître à un autre jusqu'à ce que leur propre enfant les rachète sans le savoir. D'accord ? Ça veut dire que ici, il aura une esclave, un enfant, l'enfant va le garder, l'esclave, ensuite il va le vendre. Et les gens vont utiliser cette pratique. À chaque fois, ils vendront. Elle va faire plusieurs propriétaires, et peut-être un jour cet enfant va grandir, et un jour il va vouloir acheter une esclave, il ne saura pas, il aura acheté sa propre mère. D'accord ? Parmi les explications, et cette explication est la parole la plus prépondérante, la désobéissance s'accentue chez les enfants. En sorte, d'accord ? La désobéissance s'accentue chez les enfants. En sorte que l'enfant se comporte avec sa mère. Quel rapport ? Vous allez voir. Tellement qu'il y aura de la désobéissance qui va s'accentuer chez les enfants, ici, ça arrivera à un stade où l'enfant se comportera avec sa mère de la même manière que le maître avec son esclave. De la même manière que le maître avec son esclave, en l'humiliant par l'insulte, le coup ou le travail. On l'appelle donc métaphoriquement, c'est une métaphore ici, métaphoriquement, seigneur ou le sens de maître. Et le tuteur concrètement, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dit ensuite, ceci est l'avis le plus fort pour moi, de par sa généralité, parce que le contexte indique une situation qui, en plus de désigner la corruption de l'époque, sera des plus étranges. En résumé, cela indique que l'heure se rapproche lorsque, écoutez bien, les notions se seront inversées. Lorsque les notions se seront inversées. Les balances inversées. Les notions inversées. En sorte que les éduqués deviennent éducateurs. Et que l'inférieur devient supérieur. Regardez Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il dit ? De plus, cela concorde avec sa parole concernant l'autre signe. Il disait, c'est en relation avec l'autre signe qu'on avait parlé. C'est-à-dire quand on avait parlé des gens qui étaient pauvres, pieds nus, et qui du jour au lendemain, les pauvres sont devenus les plus riches. Les notions inversées. Il dit, les va-nu-pieds deviendront les rois de la terre. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Et ça, c'est une réalité ou pas ? C'est une réalité. C'est-à-dire que la mère, le père auront le rôle de l'enfant et l'enfant aura le rôle du père et de la mère. De sorte que l'enfant se comportera avec le père et la mère tel un maître envers son esclave. C'est-à-dire avec des mots durs, avec des insultes. C'est lui qui va commander, c'est lui qui va diriger ses parents. Dieu a ses caprices, c'est lui qui va décider je fais ça et je ne fais pas ça. Et les parents agiront avec faiblesse envers cet enfant-là. Ils seront dépassés. Bien que c'est un enfant, voilà que les notions se seront inversées. Les balances se seront renversées. Et ici, ou inversées, et là, à ce moment-là, tu verras ici, l'enfant réagir comme un maître et les parents comme des esclaves. Ça existe chez les non-musulmans et ce qui fait le plus mal au cœur, c'est que ça agisse, bien que ça fait mal au cœur de voir des enfants non musulmans qui agissent de la sorte avec des parents qui sont non musulmans. Mais ça fait encore plus mal quand on voit des enfants musulmans qui agissent de la sorte avec des parents musulmans. Et ça existe ou pas ? Fawarab bil Ka'ba, ça existe. Des enfants qui lèvent leurs mains sur leur père, ça existe ou pas ? Alors que l'enfant peut-être il a quoi ? 7 ans. Et le père c'est un homme de 40 ans ou je ne sais quel âge. Walakin ici regardez, ça fait partie des signes de la fin des temps. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a Ibn Hajar. Et si les personnes sont dans ce cas-là, sachez, et je répète cette parole que j'aime dire, vous faites partie des signes de la fin des temps. Vous faites partie des signes de la fin des temps. Et ça, c'est dû à cause de quoi, ayyuhal ahibba ? Et c'est quoi qui a provoqué ça ? C'est que ici, les notions se sont renversées, inversées. Les balances inversées. Ici, plus personne ne garde la place qui lui a été demandée. Et c'est ce qu'on revoit, ayyuhal ahibba, dans les demeures. Quand je dis quelquefois en m'amusant ou en riant, mais c'est une réalité, je le dis avec ironie, mais ici, je rappelle que c'est une réalité souvent. Ici, on voit l'homme qui est devenu une femme quelquefois. Et la femme qui est devenue un homme. Ça existe ou pas? Et ça provoque un déséquilibre dans les foyers, dans les demeures. C'est-à-dire que la fille, au lieu de grandir avec un certain équilibre, en disant, moi, ma référence, c'est ma mère. Et je veux être comme ma mère. Et donc, comme ma mère est une femme vertueuse, pieuse, obéissante, ici, et qui ne se comporte pas comme un âne, comme un homme, afouan, ou bien un animal agressif envers mon père, je ferai la même chose avec mon mari. Donc ici, il y a un certain équilibre. Mais quand c'est l'inverse, et que la fille grandisse, et qu'elle voit que la femme, c'est un homme, c'est-à-dire, soit de par son agressivité, et de par ses responsabilités, ici qu'elle prend alors qu'elle n'a pas à prendre ses responsabilités-là, c'est elle qui commande, c'est elle qui dirige, c'est elle qui donne les ordres, c'est elle qui ordonne qu'on soit à ses services. Et c'est cette femme-là, ici, qui impose des choses dont elle n'a pas le droit d'imposer en islam normalement. Et quand elle voit que cette femme-là, par exemple, aussi dans un autre cas, bien qu'elle soit obéissante, bien qu'elle soit vertueuse, mais comme l'homme, excusez-moi du terme, mais c'est un légume, eh ben, c'est la mère qui fait tout. Les papiers administratifs, c'est elle qui change la tapisserie, c'est elle qui cloue les murs, ou c'est elle qui fait des trous dans les murs, c'est elle qui répare les choses dans la maison, c'est elle qui tond la pelouse, c'est elle qui fait, c'est elle qui... Donc ici, elle voit sa mère comme un homme. Donc ça va la durcir quelque part, et ça va la déséquilibrer. Ah, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas gardé leur place. Et ça crée des grands déséquilibres, ayyuhal ahibba, non seulement dans les foyers, mais dans les sociétés. Jusqu'à ce qu'on voit maintenant des gens qui disent... Tellement qu'ils ont dit oui en parlant soi-disant de la femme et que la femme est une personne à qui on doit beaucoup de respect et on a ici de l'émancipation. Ici, certaines personnes ont poussé la femme à travailler jusqu'à ce qu'ils lui ont fait croire des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire le fait que si la femme travaille obligatoirement, ici on lui donne de la valeur. Et on voit beaucoup de femmes qui se sont fait avoir et ils sont partis travailler et ils se sont retrouvés à nettoyer quoi? Les toilettes. Parce qu'en général, ces tâches-là, on les donne à qui? À qui? Aux femmes. Et je ne généralise pas, mais je dis certains cas. Alors que nous, en islam, Allah Jalla wa'ala dit quoi dans le Coran al-Karim? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Et restez dans vos foyers. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de sortir. Non, mais c'est pour nous rappeler, attention, la personne qui travaille, c'est qui? C'est l'homme. Allah, il a donné plus de force à la femme ou à l'homme? Un musulman et un non-musulman te le diront. À qui? À l'homme. L'homme peut faire des tâches et faire des travaux que la femme ne pourra pas faire. Pourquoi? Parce que c'est ça l'équilibre ayyuhal ahibba. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a voulu les choses. Et les non-musulmans, et la majeure partie des non-musulmans l'avaient compris avant. Mais ces années-là, les notions se sont renversées encore malheureusement. Et ici, c'est l'homme qui doit aller travailler. Non, chez certains couples ou dans certains foyers, ici, c'est l'homme qui reste dormir jusqu'à 13h, 14h. Et la femme, skena, qui s'occupe de tout. Et après, ensuite, on dit, mais je comprends pas pourquoi mes enfants, ils grandissent perturbés. C'est à cause de ça, ya Abdallah. La femme, c'est une femme. Elle a sa place. L'homme, c'est un homme. Il a sa place. Chacun sa place, si vous voulez que ça se passe bien dans les couples. Et si vous voulez pas voir votre enfant, ici, réagir de la sorte. C'est-à-dire vouloir ici, crier sur vous. Pourquoi? Quel rapport les parents et les enfants? C'est un rapport clair. On sait très bien que ici, une maison sans mari, c'est une maison sans porte. Et une maison sans femme dit la même chose, c'est une maison sans porte. On a besoin de l'homme et de la femme. Ici, pour avoir un parfait équilibre quand il y a des enfants. Je ne dis pas dans tous les cas, mais de façon générale. Beaucoup de gens pieux ont grandi, et ici, en n'ayant que leur mère, sans avoir leur père. Et à titre d'exemple, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Mais de façon générale, ici, on a besoin du père et de la mère quand il y a des enfants. Mais d'un vrai père et d'une vraie mère. C'est-à-dire, on sait très bien que quoi? La mère, elle est plus, en général, douce, affective, protectrice que le père. En général. Ça ne veut pas dire que le père doit être une brute, abadan. Dans le hadith authentique, un homme, un bédouin, est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, ah, Rasulallah! Et il croyait que c'était une qualité. Il a dit, j'ai 10 enfants. Et je n'ai jamais embrassé un de mes enfants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et il lui a rappelé que c'est pas ça, ar-rahma, le bon comportement. Non, embrasse tes enfants, joue avec eux. Ici, prends-les dans tes bras. Il faut qu'ils sentent de l'affection. C'est pas être dur avec eux. Wal'iyadu billahi, viens jouer avec toi, tu le balances. On avait dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait sujoud dans la prière, wa huwa man huwa. C'est lui qui a dit quoi? Khudhu. Ah, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a eu la révélation, et avec cela, il voulait pas se redresser du sujoud pour pas déranger Al-Hassan ou Al-Hussein qui est en train de jouer sur son dos. Alayhi salatu wassalam, toi t'es mieux que le prophète, non, tais-toi. Joue avec tes enfants de l'affection, mais en général la mère elle aura plus d'affection. On sait très bien parce que déjà elle va donner en général plus d'affection envers les enfants parce qu'elle aura ressenti une chose que seule elle aura ressentie. C'est-à-dire elle l'aura portée. Elle l'aura eu en elle, elle l'aura porté dans son ventre cet enfant pendant 9 mois. Elle l'aura allaité, elle se sera réveillée quand toi tu dormais. Elle l'aura nourri quand toi tu te pensais à te nourrir toi d'abord. Elle aura. Donc elle a plus d'affection. Mais quand on voit, ou l'enfant va voir, que la mère ici agit avec dureté, et que le père il est encore plus affectif envers les enfants que la mère. Est-ce que vous croyez que ça va perturber les enfants ou pas? Ça va les rendre agressifs quelque part. Parce qu'ils ont plus de repères. L'enfant a besoin de voir l'autorité du père. Tout en sachant que le père doit être affectif. Mais il voit que la mère ici, elle est plus douce. Et que quand le père il dit c'est blanc, la mère elle va pas dire c'est noir et jusqu'à tenir tête et jusqu'à casser tout à la maison. Non, khlas. Il sent qu'il y a une autorité. Al-rijal qawwamuna ala nisa. Allah l'a dit dans le Coran. Les hommes ont une autorité sur les femmes. Et ça c'est pas un honneur. Mais ça c'est une responsabilité en plus. Voilà qu'ils ont autorité sur les femmes. Donc ici la femme elle garde sa place. C'est pas elle qui commande ou qui tranche dans les décisions. Et c'est bien pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, comme a fait sahih, écoutez bien, il dit même, regardez, parmi les meilleurs actes d'adoration, c'est quoi? As-siyam, le jeûne. C'est le jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit même le jeûne, la femme n'a pas le droit de jeûner, pourtant c'est un acte d'adoration envers Allah. Et Allah passe avant tes parents, passe avant ton mari, passe avant toutes choses. Mais regardez l'importance du mari. Et ça nous rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam où le prophète alayhi salatu wassalam a dit la femme n'aura pas accompli ses devoirs envers Allah tant qu'elle n'aura pas accompli ses devoirs envers son mari. Il dit même si elle veut jeûner, elle n'a pas le droit de jeûner. Je parle du jeûne surérogatoire tant qu'elle n'a pas demandé la permission al-idhn à qui? À son mari. Et elle n'a pas le droit de faire rentrer une personne chez elle sans l'autorisation de son mari. Même le jeûne siyam, pourtant c'est pour Allah. Allah il te dit à toi ma sœur, même le jeûne qui est pour moi, alors que le prophète dans un hadith authentique, il dit, toute personne qui jeûne pour moi un jour, fi sabilillahi azza wa jal, par ce jour-là, par la cause de ce jour-là, Allah azza wa jal éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Et bah, ce jeûne-là pour Allah, tu n'as pas le droit de le faire si tu n'as pas demandé al-idn, l'autorisation à ton mari. Que dire du fait de sortir sans l'autorisation de ton mari, ou de faire des choses de dunya, ou bien de répliquer quand ton mari te dit non? Tu ne vas pas chez un tel, ou tu ne sors pas et dire, oui, mais moi je veux, tu n'as pas le droit de tenir tête. Parce que ton mari t'a empêché de faire un jeûne, et toi tu vas tenir tête parce que ton mari te interdit de faire une chose de la vie d'ici-bas. Fassalihat qanitat. Les femmes vertueuses, ce sont qui? Ce sont les femmes obéissantes. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et il dit, cela institue l'obligation sans restriction pour la femme d'obéir à son mari dans toutes les affaires, comme le servir, voyager avec lui, l'assister et d'autres choses comme il est indiqué dans la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, a dit, ceux qui disent qu'il est obligatoire à la femme de servir son mari, utilisent ce verset, فَالصَّالِحَاتْ قَانِتَتْ, comme preuve que ce que Allah a signifié dans sa parole à cette occasion est considéré comme faisant partie de quoi? Al-ma'ruf, le convenable bien. Mais quant à ce que la femme se détende et que le mari la serve, balaye, pétrisse le pain, lave les vêtements, fasse le lit et le ménage, alors ceci fait partie de al-munkar, c'est-à-dire le mal ou le répréhensible. Ibn al-Qayyim wa Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Ça c'est les gens de science, ayyuhal ahibba. Et ça, c'est important d'avoir cet équilibre dans le couple pour qu'il y ait un équilibre dans la famille et que les enfants grandissent avec un certain équilibre. Walillahi alhamd, comme de façon générale, nous, on a tous grandi. Walillahi alhamd. À l'époque de nos parents, où il y avait un certain équilibre, bien qu'il y avait des excès. C'est-à-dire que les parents ou certains pères ont abusé sur les mères. C'est-à-dire, le mari voit que la femme est obéissante, elle est vertueuse, elle fait des efforts et il prend ça comme un honneur et il abuse. et il fait de l'injustice. Et il a oublié que le prophète a dit avant zulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Et il a oublié que le prophète a dit kama tadin ou tudan, comme tu as fait on te fera. Et il a oublié que peut-être lui il a la force maintenant, mais que demain watilkal ayyam nudawiluha bayna an-nas. Ah, la roue elle tourne. Demain peut-être que ta femme, elle sera encore, elle aura encore la force, elle aura encore la forme, et toi tu seras un vieux tout faible, et que là elle va se venger sur toi. Kama tadin ou tudan. Non. C'est, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que tu as une femme obéissante et toi tu es un homme qui assume tes responsabilités. Tu la nourris, tu l'habilles, tu la loges. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous ce sont les meilleurs avec leur famille et moi je suis le meilleur avec ma famille comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Khayrukum khayrukum li nisa'ihim. Les meilleurs d'entre vous ce sont les meilleurs avec leurs femmes. C'est-à-dire que tu es facile. Tu es une personne généreuse, tu n'es pas un avare, tu n'es pas quelqu'un de violent, tu n'es pas une personne qui hausse le ton de jour comme de nuit gratuitement, tu n'es pas une personne qui te plaint de jour comme de nuit, tu n'es pas... Non, mais tu es une personne, alhamdoulilah, agréable et qui vit en harmonie avec ta femme et tu fais des efforts et tu lui donnes le meilleur des droits qu'elle a, c'est-à-dire tu l'aides avec douceur et sagesse à se rapprocher du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au degré le plus haut du paradis al-firdaus al-a'la. Quel plus beau cadeau. Tu l'aides à avancer dans la religion. Quand tu vas voir ici avoir cette ambiance dans la maison, ne t'inquiète pas. Tu as fait fawarab bil Kaaba plus de 50% de l'éducation de tes enfants. Khlas. Pourquoi? Parce qu'ils vont grandir avec quoi? L'application devant eux de tous les hadiths et les versets coraniques. Ils vont grandir avec ce qu'il y a de plus important ici ou ce qui aura de plus important pour toi au jour de la résurrection dans la balance, c'est-à-dire حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement. Il verra son père agir comme il se doit, sa mère agir comme il se doit. Ils vont avoir ce comportement, ils vont grandir dans cette bonne ambiance. فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ Tu as fait plus de 50% de... C'est plus de 50% ici de l'éducation. Alhamdulillah, tu verras tes enfants calmes. Tu verras, alhamdoulilah, un équilibre. Tu vas pas voir ton fils quand il va voir la mère. Il va être traumatisé quand il va voir le père et dire, oh, c'est bon, toi, je sais que t'es un mytho, toi. Tu me dis toujours, je vais te faire ça, tu fais rien. Parce que le mari, c'est un légume. Non, il voit l'autorité. Le père a un peu plus dur. La mère aussi, elle a de l'autorité. Mais on sait qu'Allah, il a fait les choses comme ça. La femme, elle est plus fragile, elle est plus douce que l'homme. Et c'est pour ça que dans le Sahih, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a vu ici, un des compagnons, radiyallahu anhu, Warda, qui est en train de ou un des hommes qui est en train de faire de diriger ici les caravanes et les montures, quand il y avait des femmes du prophète alayhi salatu wassalam ici qui étaient sur les montures, des femmes qui étaient sur les montures, quand il a ordonné aux montures d'accélérer le pas, il a dit doucement, doucement. Il y a au-dessus des montures, il a comparé les femmes à quoi? À du verre. Pourquoi du verre? Parce que c'est quelque chose de très fragile. Il a comparé la femme à du verre. Donc c'est une femme, c'est fragile. C'est plus fragile qu'un homme. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Le prophète Hassim, il a dit, la femme a été créée d'une côte, elle est tordue. Si tu essaies de trop la, hein, trop la redresser, tu vas la briser. Certains savants, ils ont dit briser, c'est le divorce. Et si tu la laisses comme ça, elle va rester tordue. Donc il a dit, faut l'aménager, faut aller doucement. Parce que la femme, elle est fragile. D'accord? Et ça veut pas dire que la femme dit, oh, bah, c'est bon, alhamdoulilah, hein. Le prophète Hassim, il a dit, on est tordu, donc t'acceptes mes défauts et tu tais. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, la majeure partie des gens de l'enfer, c'est qui? Les femmes. Pourquoi ils sont ingrates? Envers Allah? Non, envers leur mari. Donc ici, ce n'est pas une excuse. C'est pas parce que le prophète a dit tordu, vous allez être excusé. Non. Mais l'homme, ça l'apprend à quoi? À aller avec douceur avec la femme. Et de ne pas utiliser des droits pour en faire ici une source de notoriété qui transgresse ou qui te pousse à transgresser les lois divines. Abadan. Non. C'est un juste milieu. Tu dois te comporter bien avec ta femme, avec douceur, avec gentillesse. Et comme ta femme doit se comporter ici avec humilité envers son mari. Et en sachant que plus elle obéit à son mari, plus elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci pour éviter que quoi? Les balances s'inversent et les rôles s'inversent et que l'enfant n'insulte pas son père. Pour éviter que cet enfant-là ne lève pas la main sur son père. Un homme, c'est un homme. Quand il faut être strict avec son enfant, il est strict avec son enfant. Quand il faut être doux, il est doux. Et la femme, ici, elle agit comme il se doit avec l'enfant et comme il se doit avec le mari. Il faut qu'il y ait un équilibre et chacun garde sa place. Voilà, iyadou billah, pas comme l'ont fait certains égarés. Jusqu'à ce qu'ils ont inversé les balances en disant, non, ici tout est autorisé, par exemple, même jusqu'à wal'iyadu billah, des gens ils sont rentrés à l'excès, mais c'est parti de là, hein. Ils sont rentrés à l'excès, oui, mais il n'y a pas de mal si des gens, un homme a un rapport avec un autre homme, donc nous, alors que le christianisme l'a interdit, alors que l'islam l'a interdit, alors que le judaïsme l'a interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal a créé un homme pour ici avoir des relations avec une femme, c'est-à-dire son épouse. Mais pas, on n'inverse pas les rôles, on n'inverse pas les balances, mais c'est parti de quoi? Ah, ce déséquilibre. Peut-être c'est parti de ça aussi. C'est-à-dire qu'il avait des parents qui n'ont pas gardé leur place. Tout s'est inversé, et donc pour lui, l'homme, c'est, il la voyait comme une femme, et la femme comme un homme, donc quand il voyait un homme, pour lui c'est une femme. Khalas. Pourquoi ? Ici on a inversé les balances, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de cet égarement. Ça, c'est parmi les explications qui ont été données des, par les gens de science, et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, et c'est un point très important à souligner, ça fait partie de Ashratu Sa'a, qu'on est en train de vivre malheureusement à notre époque. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. La semaine prochaine, bihawlillahi azza wa jal, on parlera de ces signes qui est la propagation du meurtre et le rétrécissement du temps. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.